est-ce qu'on parle encore de pacte? On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos ombres, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses qui résonnent dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole. C'est la nuit sous la tension. T'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après. Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses full of moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques, on est sous le charme. And baby, that's all I need. Toi et nous, on...